L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les adorateurs des Tawarit suivront leurs Tawarit. Rapporté par Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et prière et paix sur notre prophète ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. En outre, celui qui se penche sur l'histoire trouvera que la communauté islamique a toujours gouverné avec la législation d'Allah, sauf à l'époque des Tatars, qui avaient gouverné avec un ensemble de lois nommées Al-Yasiq. Les musulmans de l'époque nous ont exposé des exemples très pieux dans la réalisation du Tawhid, à tel point que les savants ont fait mourir cette loi forgée de plusieurs façons. 1. Ils ont rendu mécréant celui qui vient avec cette législation. 2. Ils n'ont pas eu recours à elle dans leur jugement. 3. Ils ne l'ont pas apprise ni appliquée dans les affaires juridiques et n'ont pas essayé d'avoir de lien avec cette législation. Et ceci est connu dans leurs livres, comme les Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 28, et le livre de Ibn Kathir, Al-Bidayah wa Nihayah, et l'exégèse de Al-Qur'an. Et avec cette méthode, ils ont réussi à faire disparaître cette législation forgée et à la faire mourir. De plus, celui qui observe la situation actuelle, qui est très désolante, trouvera que les lois forgées du Tawhid sont celles qui gouvernent et dirigent. On trouve par exemple quelques groupes islamiques qui demandent l'application de la charia. Mais malgré cela, on trouve des éléments parmi leurs mouvements qui apprennent ces lois mécréantes dans les facultés de droit, d'après leur dire. Ils travaillent avec ces diplômes et attestent qu'ils ont étudié At-Tawhid et le maîtrisent. Puis ils les appliquent dans les affaires juridiques et deviennent juges ou avocats ou représentants du Tawhid. Nul doute que ceci est une contradiction évidente. D'une part, ils demandent d'éradiquer le pouvoir du Tawhid et d'instaurer le pouvoir d'Allah, et d'autre part, ils ne désavouent pas ses jugements et ne les délaissent pas. Tout ceci est en rapport avec le pouvoir et le jugement. Quant à ce qui est en rapport avec la demande de justice, ils n'éprouvent aucune gêne à régler leurs affaires entre eux devant ces tribunaux du Tawhid. Et ceci est considéré comme une grande brèche dans la croyance de l'ilaha illallah. Et ils disent que tant que la personne est persuadée dans sa croyance que le jugement appartient à Allah et qu'elle demande justice à un autre pouvoir, elle n'est que musulmane désobéissante. De ce fait, ils ont reconnu la seigneurie. Le serviteur doit unifier les actes du Seigneur qui inclut entre autres le fait de gouverner. Ils ont admis son genre d'unicité et ont fait d'elle un argument pour confirmer la réalisation de l'islam chez une personne. Mais ils n'ont pas conditionné l'unicité dans l'adoration dans laquelle le serviteur doit vouer exclusivement ses actes d'adoration à Allah tels que la demande de justice à Allah et non au Tawarit. Dans cet exposé, nous allons démontrer par la volonté d'Allah que demander justice à Tawhid équivaut à croire en lui et constitue donc une association à Allah telle que l'invocation des morts, les vœux, l'immolation, sans qu'il n'y ait absolument aucune différence entre elles. Et eux, avec ce qu'ils avancent, ils se sont détournés du chemin des messagers dans l'appel à Tawhid. Ils sont venus avec At-Tawhid dans la seigneurie et ont fait retarder At-Tawhid dans l'adoration. Cependant, et d'après ce qui est connu, At-Tawhid est indivisible. Quiconque unifie Allah dans sa seigneurie, mais pas dans l'adoration, ne peut être musulman, et nombreux sont les versets indiquant cela. Et notre dernière invocation est louange à Allah, Seigneur des mondes.